Barbra Streisand et le titre Memory sur RGM. Il est presque 8h37, on fait un point sur tous ceux qui sont nés un 24 avril 1930, naissance de Richard Donner, réalisateur et producteur américain qui a réalisé Superman, Les Goonies, L'Arme Fatale 1, 2, 3 et 4, Maverick, il a produit Les Goonies, L'Arme Fatale 1, 2, 3, 4, Maverick, X-Men, Days of Future Past et producteur délégué sur Sauver Willy 1, 2 et 3, X-Men ainsi que X-Men Origins Wolverine. 1942, naissance de Barbra Streisand, chanteuse et actrice américaine vue dans Funny Girl, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Hello Dolly, Mon beau-père, mes parents et moi, Mon beau-père et nous. Et elle a remporté également l'Oscar de la meilleure chanson pour Evergreen. 1944, naissance de Christine Ockren, journaliste belge. 1945, naissance de Dick Rivers, chanteur français. On écoute tout de suite un extrait du titre Nice, baie des anges. En français, quand j'avais 18 ans. Oh, j'étais un blouson noir, un parfait, un loupard comme tant rêvé, et c'était le bon temps. Du côté des Remember, j'ai pris les flashs. J'ai des coups au cœur, fumé du hash, bien avant l'heure de se pouvoir défendre. Si t'avais connu. Voilà pour l'extrait de Dick Rivers. On continue. 1949, naissance de Véronique Sanson, chanteuse française. 1952, naissance de Jean-Paul Gaultier, styliste et couturier français, également créateur de parfums. 1953, naissance d'Éric Bogossian, acteur américain vu dans Harry dans tous ses états, dans le rôle de Burt, dans Charlie's Angel 2, dans la série télé New York Section Criminelle, dans le rôle du capitaine Danny Ross. 1963, naissance de Thomas Chabrol, acteur français, fils du réalisateur Claude Chabrol, vu dans Julie Lescaut, La Crime dans le rôle de Bruno Salinas ou encore La Maison des Rocheville. 1969, naissance de Melinda Clark, actrice américaine, vue dans Des Jours et des Vies, Xena la Guerrière, Nash Bridges, Les Experts dans le rôle de Lady Heather, dans Charmed, Washington Police, Newport Beach dans le rôle de Julie Cooper Nicole, Entourage, Vampire Diaries dans le rôle de Kelly Donovan, ainsi que dans Nikita, la série, dans le rôle d'Hélène Collins alias Amanda. 1973, naissance de Damon Lindelof, producteur scénariste américain qui a produit Preuve à l'appui ou encore Lost les Disparus, scénariste de Nash Bridges, Preuve à l'appui, Lost les Disparus et au cinéma de Star Trek Into Darkness où il est co-scénariste. 1974, naissance de Derek Luke, acteur américain, vu dans le film Notorious Big dans le rôle de Sean Combs, dans Captain America First Avenger dans le rôle de Gabe Jones, dans la série télé Empire dans le rôle de Malcolm et Three Reasons Why dans le rôle de Monsieur Porter. 1977, naissance d'Eric Balfour, acteur américain vu dans Ce que veulent les femmes, la série télé Dr. Quinn, femme médecin dans le rôle de Benjamin Avery, dans Buffy contre les vampires, Six Feet Under dans le rôle de Gabriel Dimas, 24 heures chrono des saisons 1 à 6 dans le rôle de Milos Pressman, vu également dans Monk. 1982, naissance de Kelly Clarkson, chanteuse américaine. 1992, naissance de Doug Shaw, acteur américain connu pour son rôle de Marcus Little dans la série La vie de croisière de Zach et Cody. Et hier est né le troisième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge. Kate Middleton a accouché hier matin d'un petit garçon et on devrait connaître son prénom dans les heures à venir ou au plus tard demain. Et en 2016, décédé Billy Paul, chanteur américain connu pour son titre Mr. and Mrs. Jones, dont on écoute tout de suite un extrait. Mrs. Jones, we got both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays. Voilà pour l'extrait de Mr. and Mrs. Jones de Billy Paul. Tout de suite, on écoute Véronique Sanson avec son titre « Amoureuse ». Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Son amoureux sur le 107FM, 8h46, tout juste passé de quelques secondes, on fait un point météo. La météo. Alors, il y a pas mal de brouillard ce matin, donc soyez vigilants, hein, sur la route. N'oubliez pas, hein, de mettre, d'allumer vos feux, hein, pour vous signaler. Celui-ci va se dissiper pour laisser apparaître du soleil, tout de même accompagné de quelques nuages. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés ce matin, des températures qui seront comprises entre 18 et 20 degrés cet après-midi. Pour mercredi, soleil et nuages, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, 18 et 19 degrés l'après-midi. Et pour jeudi, soleil et nuages également. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin et entre 14 et 16 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Basket, play-off de NBA cette nuit et l'équipe de l'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposée 113 à 96 face à Oklahoma. L'Utah mène la série 3-1 et Rudy Gobert a terminé ce match à 16 points et 10 rebonds. Cette nuit, il y aura le match entre Boston, l'équipe de Yabusele et Milwaukee. Et il y aura l'équipe de Philadelphie de Lua Okobaro qui affrontera Miami et les Spurs de Tony Parker et Geoffrey Lauvergne qui disputeront leur match 5 face aux Golden State Warriors. En football, ce soir en Ligue 2, Nancy se déplace à Le Havre et en Ligue des Champions, demi-finale aller, Liverpool reçoit l'AS Rome. Un mot de tennis avec le tournoi de Barcelone, la qualification hier de Benoît Paire en 3-7 face à Jarry, 7-6-6-7-6-4. En revanche, élimination de Moutet en 2-7 face à Tsitsipas, 6-4-6-1. Aujourd'hui, Gilles Simon affrontera Ivashka et Adrien Manarino sera opposé à Cuevas. À Stuttgart, élimination d'Alizé Cornet en 3-7 face à Kostiuk, 4-6-6-2-6-3. Aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Maria Sharapova et à Istanbul, Pauline Parmentier affrontera Aksu. Et on termine avec du rugby et le Racing 92 devra disputer la finale de Coupe d'Europe sans Dimitri Zarzewski qui est blessé au biceps gauche. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Kelly Clarkson et son titre Stronger. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.